Gris. C'est pas un porteur d'eau, je suis un verset. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Comment savoir si une personne s'est réincarnée? » Est réincarnée. Comment savoir si elle est réincarnée? La semaine passée, tu as expliqué un petit peu les différentes formes de réincarnation. On décède, on va dans le plan valentiel, ben on décède, oui, ça, quand on est plusieurs, on décède. On décide pas. On décide pas de décéder, mais on décède. Mais on peut se réincarner sans être mort. Par imprégnation. Mm-hmm. Donc on ne décède pas nécessairement. Et comment on sait si on est déjà réincarné de notre vivant dans quelqu'un d'autre? Quand on se reconnaît chez autrui. Mais une chose évidente aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes... La réincarnation, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de personnes qui, dans la décennie qui vient, vont avoir la capacité de s'incarner elles-mêmes chez elles. Non pas de se réincarner, mais de s'incarner. C'est ça. Donc, on réincarne si tu veux, mais c'est de ce qu'ils ont vécu présentement, ça sera plutôt une forme d'incarnation, c'est-à-dire que ce qu'ils auront exprimé vers l'extérieur va maintenant être rappelé vers eux. Il y a énormément d'individus qui, et ça a toujours été comme ça dans l'évolution des différentes humanités qui ont couvert la planète, c'est que les êtres humains, au fur et à mesure de l'évolution de leur vie physique, changent. Au fur et à mesure de leur changement, ils rejettent des parties d'eux-mêmes. On va dire qu'ils les ont transformées. Mais transformer un arbre en meuble, c'est rejeter l'arbre. Bon. Je ne dis pas que l'arbre est inefficace, que le meuble est meilleur, ça n'a rien à voir. Mais une chose qui est évidente, c'est que quand on transforme un arbre en meuble ou un arbre en planche et planche en maison, on détruit pour créer. L'être humain qui, à un moment donné, était un enfant qui avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, aujourd'hui adulte, peut constater que l'enfant qu'il a été n'existe plus, n'existe pas. Il l'a tué, il l'a détruit, il l'a démoli, il l'a transformé, on peut appeler ça comme l'on voudra. C'est évident que je rencontre un loup dans la forêt, je ne le tue pas, je le transforme en manteau. Bon. Alors, on peut prendre des mots qu'on veut. Une chose certaine, c'est que quand on transforme un enfant en adulte, il n'y a plus d'enfant. Sauf que l'expérience que nous avons créée, l'expérience de ce que nous avons été de la naissance à aujourd'hui, existe. Ça existe dans le monde de la mort, ça existe dans ce qu'on appelle de temps en temps les annales akashiques, donc dans l'akasha, dans la mémoire du temps. Ça existe un peu dans notre code génétique, ça existe dans notre mémoire, mais ça n'est pas fonctionnel, ce n'est pas nous. Comme j'expliquais un peu la semaine dernière, toi, tu peux naître adulte, moi j'arrive, je suis un enfant, je lui compte tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il aura chez lui la mémoire de ce qu'un enfant a fait. Et vous avez chez vous la mémoire de ce que les enfants ont fait. Vous dites, moi, quand j'étais jeune, oui, mais vous n'y goûtez pas. Vous avez des mémoires d'un scénario, d'une histoire que vous avez vue ou que quelqu'un vous a conté. Et nous, on considère que c'est ce qu'on a vécu. Alors moi, quand j'étais jeune, j'étais pas mal plus fonceur ou fonceuse qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les personnes en vieillissant vont récupérer, hein, c'est ce que la psychologie fait tout le temps, on récupère toujours un peu notre défaite en positiviste. Alors, je ne suis plus fonceur, je ne déménage plus à toutes les 6 ans, maintenant je suis stable, je suis sage, j'ai acquis de la sagesse. Je ne peux plus rien faire, mais j'ai acquis de la sagesse. Bon. En réalité, il vient un temps où on perd et on gagne. C'est intéressant, une chance. Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne? On perd notre vivacité infantile, on perd notre sagesse infantile, on perd notre transparence infantile, on perd notre instantanéité infantile, on perd plusieurs choses comme ça. Et on va gagner de l'expérience, on va gagner de la maturité, on va gagner de la stabilité. La problématique, c'est que nous sommes comme un compte en banque. Ah, aujourd'hui, j'ai fait 1 million. J'ai perdu 1 million sur le bord. Alors, ce qui fait que, rendu à la fin de notre vie de compte en banque, on a peut-être 1,5 million, mais dans notre vie, on a peut-être ramassé quelques milliards de dollars. Alors, au fur et à mesure qu'on gagne dans le monde des adultes, on perd dans le monde des enfants. Je ne parle pas juste de l'enfance. On arrive à être un jeune adulte. On a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et à un moment donné, on va gagner dans un monde de 50 ans et on va perdre dans le monde des 20-25 ans. qu'un jour on parlera de fausse génération, etc. Mais en réalité, simplement, c'est qu'une partie de ce que nous avons été est maintenant réincarnée chez ceux qui sont en bas, chez nos enfants. On l'a vu un peu la semaine dernière. Réincarnation, on se réincarne, ça se réincarne chez nous 24 heures sur 24 toute notre vie. Une partie de ce que nous ne pouvons accepter, supporter ou digérer se réincarne chez autrui. Et comme on expliquait un peu la semaine dernière, cela veut dire qu'à 40 ans, ce que votre père ou votre mère faisait, mais lorsqu'il a 50 ans, si une partie de ce qu'il était à 40 ans n'est plus exprimée chez lui, c'est quelque part en veilleuse, puis ça vous attend, vous autres. Quand vous allez approcher de la quarantaine, ça va venir se réincarner chez vous, et vous allez lentement, progressivement avoir des attitudes qu'avait votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, vers l'âge de 40 ans. Et à 12 ans, on devient l'adolescent que nos parents étaient. C'est évident, comme j'expliquais, mon arrière-grand-père, il était adolescent. Il aimait énormément jouer avec un cerceau. Il ne faisait que ça. L'école, rien à faire. Les foins, rien. Juste, il jouait avec son cerceau. Et moi, je pourrais dire, je ne peux pas réincarner mon grand-père. Moi, à 12 ans, je ne joue pas avec un cerceau. Ma mère, elle pourrait dire, non, tu étais toujours connecté sur ton ordinateur, par exemple. Pas d'école, pas de travail, pas rien. C'était juste les jeux vidéo. Mon grand-père ayant pas de jeux vidéo, il ne peut pas jouer aux jeux vidéo, je vois qu'un cerceau. Mais j'ai les mêmes caractéristiques psychologiques que mes ancêtres. Et on a vu aussi la semaine dernière qu'on avait les caractéristiques psychologiques d'une collectivité. Tous nos jeunes deviennent adolescents similairement de la même maudite façon. Ils passent apparemment de la même maudite façon. La collectivité vient se réincarner, donc il y a des blocs totaux où on vous dit « À 40 ans, vous devez vivre tel genre de dépression ». Comme je le disais un peu, je ne suis pas encore un jeune de 40 ans, mais je suis déjà un vieux de 39 ans. Bon, on doit vivre certaines choses. À la ménopause, les femmes doivent vivre certaines choses. On en a fait des livres, on l'instruit. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont vécu ça, quand ils l'ont accepté, la phase de problème est rejetée. Les femmes qui arrivent là réincarnent cette expérience-là, puis vivent les mêmes problèmes que tout le monde. Et on appellera cela de la psychologie, et on pourra nécessairement dire, c'est normal. Bon, maintenant... Non seulement nos parents donc nous attendent de pied ferme, nous, on attend nos enfants, on attend nos voisins, on attend les enfants des autres, on attend la société qui vient. Mais là, tu disais tantôt qu'on pourrait se réincarner soi-même. Et ça, c'est qu'on ne laisserait pas traîner une mémoire à ce moment-là pour nos enfants, on les digérerait nous-mêmes. Là, c'est un bon père de famille, tu fais ça dans le métier des garçons. Ça dépend, je peux leur laisser quelque chose de bon, on ne sait pas. Ah, on le sait. Ils ont de tout pris. Ce qu'il y avait de bon. Allez, commence à ramasser tes farces et la trappe. Mais on ne décide pas de ce qu'on laisse et de ce qu'on garde. On peut. On va en parler un peu ce soir. On va en parler dans les conférences qui viennent aussi de comment on peut contrôler, comment on peut choisir, comment on peut rectifier, etc. Comment on peut attirer des réincarnations particulières qui vont nous aider. Bon, au lieu d'appeler des maîtres et des guides de lumière, qui sont des entités qui se réincarnent chez nous, sans nous le dire, sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, puis sans contrôler. Puis on va aller chercher de l'expérience. C'est comme je vais à l'école, j'écoute un professeur de génie civil, et il me donne son expérience pendant 2-3 ans. Je peux aussi aller directement là où il est mémorisé, lui, puis absorber sa mémoire. Donc, je deviens le bonhomme avec la même expérience. Ça me prendra peut-être 2 ans de moins. Je réincarnerai progressivement les mémoires d'un ingénieur au niveau du génie civil. Comme je l'expliquais à un moment donné, vous voulez apprendre comment fonctionne la bourse, vous suivez des cours, c'est bon. Habillez-vous maintenant comme les courtiers, habillez-vous comme les personnes qui sont sur le parquet, et ça, vous allez comprendre plus vite et mieux. Et maintenant, pointez-vous sur le parquet de temps en temps. Oui, mais j'ai rien à faire. Pointez-vous sur le parquet de temps en temps. Habillez comme eux, puis de temps en temps, adoptez les mêmes gestes. Faites comme si vous étiez. Vous allez voir, vous allez devenir. Allez ramasser les papiers à terre, puis quand tout le monde les garoche, vous garochez vos papiers, vous aussi. Mais là, vous ne riez pas, vous le faites de la même façon. C'est les ordinateurs qui garochent maintenant. Oui, maintenant, c'est ça, ils garochent des bits. Mais faites la même chose, et progressivement, vous allez voir que vous allez supplanter les autres élèves qui sont peut-être encore habillés avec une onde de forme qui n'est pas appropriée à la traction de mémoire de personnes qui ont travaillé dans la bourse. Mais là, quand tu fais ça, tu réincarnes et tu absorbes des mémoires de gens qui ont déjà fait le même travail. Ou qui le font façon. Présentement ou qui l'ont déjà fait. C'est sûr que lorsqu'il viendra un crack boursier, peut-être tu penseras au suicide. Comme ils ont tous pensé au suicide. Tous. Plusieurs. Comme il y en a plusieurs qui l'ont fait. Tu as peut-être pensé au meurtre aussi, aller tuer... celui qui te fait investir là-dedans, comme certains ont fait aussi. C'est pourquoi on doit apprendre à connaître la psychologie, se connaître soi-même, décider quel est le vecteur que l'on veut suivre. C'est-à-dire que moi, je veux suivre tel chemin. Si, je, par exemple, je commence à jouer la bourse, parce qu'on appelle ça jouer, imaginez-vous bien, je commence à jouer la bourse, je dois savoir que je peux perdre. Tout le monde qui investisse le savent, mais ils ne le savent pas. Ils le savent. Ils le savent jusqu'à temps de perdre. Comme vous allez jouer à Las Vegas, vous allez jouer à Atlantic City, ou peut-être prochainement, vous allez aller jouer ici à Montréal, il va y avoir une 80aine de tables de blackjack. Vous allez aller jouer, vous savez que vous pouvez perdre. Oui, c'est sûr, mais là, vous allez gagner. Et on doit donc connaître la psychologie, savoir qu'on va perdre, on va investir convenablement. On doit réincarner les mémoires de ce qu'il y a de mieux. Et pour ça, on doit le gérer. C'est nous qui devons être le boss de ce qui va se réincarner. Réincarner ce que nous sommes, ce que nous avons été, ça veut premièrement dire retrouver notre vivacité infantile. Ça veut dire retrouver notre lucidité qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Ça veut dire retrouver notre goût dans l'espoir d'un avenir. Ça veut dire retrouver notre goût de foncer. Retrouver notre capacité de changer, changer d'emploi, changer d'école, changer de maison, changer d'endroit. Quand ça ne va plus, on déménage. Quand on commence à être trop bien à la même place, à devenir pépère ou mémère, on commence à se cristalliser, on déguerpit au plus vite. Le dernier voyage que j'ai fait, c'est quand j'étais en Amazonie, sur le Mato Grosso, au Pérou. J'avais été, le dernier voyage que j'ai fait avant, c'était au Guatemala, j'avais été confronté à des guerriers roses, et puis j'étais dans des villages en voie de sous-développement à l'époque. Et 5 ans après, je me rappelais mon voyage au Guatemala. J'avais le goût de voyager. Et en même temps, je me revoyais dans les jungles. Je me revoyais perdu sur des lagunes. Je me revoyais dans ce que j'avais fait. Et quelque chose chez moi avait peur. Je me disais, je ne serais pas capable de recommencer à faire la même. Il fallait être jeune. Il fallait être totalement là, inconscient. Et en même temps, je me disais, oui, mais il ne m'est jamais rien arrivé. Mais est-ce que j'étais inconscient? Ou si j'étais suffisamment conscient pour éviter certaines choses. Bon. Mais si on les a perdues, ces mémoires-là? On ne les a pas perdues, si on a mais des on les a... Qui ont absorbé, tantôt tu as dit... Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que une mémoire, c'est... Quand on la place, c'est exactement comme si tu stores ta mémoire dans un disque sur un disque dur d'ordinateur, puis quand les autres réincarnent, c'est des copies. Il reste toujours la mémoire fondamentale, là. La version originale est toujours là. Tant qu'il va rester un monde de la mort, le monde de la mort devrait persister pour les 20-30 prochaines années. Tant qu'il va rester un monde de la mort, il y aura la copie conforme de ce que tu étais, mélangée aux copies de tous ceux qui ont pensé à toi ou qui ont vécu l'expérience, etc. Donc, il n'y a aucune problématique là. Par contre, lorsque l'être humain absorbe une mémoire, s'il la digère, il ramasse l'original. Il ne restera plus de traces à l'extérieur de ce qu'il a été, mais il va maintenant laisser des traces de la jeunesse qu'il est. Je dis, on doit devenir un enfant avec l'expérience d'un adulte. Bon. Alors, c'est pas si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. À un moment donné, il faut qu'on casse l'affaire. Ça ne sert plus à rien, ça. C'est bien beau, mais ça nous mène nulle part. Ça fait broyer tout le monde. Donc, on devrait pouvoir se réincarner soi-même. On va revenir sur cette réincarnation, sur l'auto-réincarnation dans les prochaines semaines, parce que c'est pas tout à fait le sujet de la conférence de ce soir. Mais comment savoir si on se réincarne chez soi? C'est qu'on commence à réavoir des habitudes qu'on avait lorsqu'on était jeune. L'habitude est mauvaise, on la corrige. Maintenant, on a la maturité du maître, la maturité de l'adulte, pour corriger nos habitudes infantiles qui ne sont peut-être pas écologiques. On commence à avoir les mêmes goûts, on commence à avoir les mêmes plaisirs, on commence à aimer les mêmes films, on commence à aimer les mêmes romans, on commence à marcher de la même façon comme on était un peu plus jeune. Il y a eu un temps où on marchait en dandinant, où on marchait en sautant, où on marchait trop vite, où on marchait trop lentement, mais pas d'une marche tressée de l'adulte. À un moment donné, il y a des choses qui reviennent subitement. Toi, tu te surprends en train de boire après le robinet du lavabo. Ah ben, tu réincarnes la jeunesse. Mais si on n'aimait pas ce qu'on était, si on n'aime pas ce qu'on était quand on était jeune, est-ce qu'il faut passer absolument par le processus de réincarnation de ça? Réincarne l'autre jeune? Il y a des parties qu'on a aimées, il y a des parties qu'on n'a pas aimées. Là, tu réincarnes ce que tu as aimé, puis après ça, tu réincarnes l'autre jeune. Bon, maintenant, on reviendra. Comment on sait qu'une personne est réincarnée? La réincarnation, qu'est-ce que c'est? Ton frère se tue dans un accident d'automobile. Alors, il s'est tué là 2 mois, dans un accident d'automobile. Qu'est-ce qui se passe? Comment savoir s'il est réincarné? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ton grand-père, ça peut être ton chat, sans rien avoir. Bon. Comment savoir aussi, avant de savoir s'il est réincarné, comment savoir s'il est parti? Il y avait des gens qui disent, bon, j'ai quelqu'un de proche qui est décédé, mais il me semble qu'il est encore là. Il est dans la maison ou il est dans... Oui, ça, c'est un fantôme. Est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il est encore là? Il est les deux. Les deux. Comme ça, quand tu me réponds comme ça. Ça, je me force aussi. Il y a une copie qui est partie, puis une copie qui est restée. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que il y a la partie la plus basse, ou la partie que nous avons la plus attachée à nous, elle est restée temporairement, elle va finir par s'en aller. Et le reste est parti. Donc, si par exemple, ton frère meurt, tu étais extrêmement près de ton frère, tu l'aimais énormément. Lorsque ton frère est mort, ça te fait énormément de peine. Ta peine le torture, ta peine l'attache, le garde près du monde de la matière, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que ton frère, étant près de toi au niveau de ce qu'il est, veut te parler, n'a pas de corps, ne peut pas te parler, alors il souffre énormément. Il veut te toucher, il ne peut pas te toucher, il souffre énormément. C'est la partie infernale. L'alcoolique, par exemple, va vouloir boire. Il ne peut pas boire, il n'a pas de corps physique. C'est la partie la plus pénible lorsqu'une personne est morte. Mais est-ce qu'il y a de la conscience à ce moment-là ou c'est de la mémoire qui se mémorise? Ben, c'est de la conscience comme la conscience de l'humain qui vit, c'est de la mémoire consciente. C'est pas de la conscience pure, c'est de la mémoire. Comme la majorité de ce que l'humain est. Il sait qu'il est là parce qu'il se rappelle. Mais si vous n'auriez plus aucune mémoire de ce que vous avez fait, la majorité, vous ne pourriez pas prendre conscience que vous êtes là. Bon, on a de l'intelligence chez nous qui est à développer, on a de la conscience qui est à développer. Mais on a surtout présentement la mémoire de la conscience, la mémoire de l'intelligence, qu'on appelle l'intellectuance ou l'intellect. Alors ton frère, bon, il meurt, alors toi tu pleures, tu as ses photos, tu y regardes, puis là tu synergises le phénomène, et tu auras l'impression qu'il est prêt. À un moment donné, il va même te donner des conseils. De deux choses l'une. N'importe quelle entité dégueulasse du monde de la mort peut profiter de l'occasion, venir te donner des conseils au nom de ton frère. Et c'est ce qui va arriver souvent. Ils se font passer pour. Oui. Alors, ton frère, qui ne savait rien lorsqu'il était vivant, bien apparemment, depuis qu'il est mort, là, il sait tout. Les conseils qu'il te donne sont bons, puis là, tu peux te fier à lui, etc. Gros danger. On fait immédiatement confiance à ça, mais c'est bien dangereux. Surtout qu'on ne sait vraiment pas à qui on a affaire, parce que l'homme, la femme traditionnelle, habituelle, n'a pas suffisamment de clairvoyance pour être capable de bien se percevoir, cerner. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, il y a certaines parties qui restent donc près du plan terrestre. Oui, les à autres... cause du cercueil, à cause de... On va par exemple peut-être exposer ton frère pour que les gens puissent venir s'abreuver de sa présence un dernier moment. Bon, par la suite, on fera un enterrement ou on fera une messe ou on fera des choses comme ça. La messe, elle a un avantage dans ces cas-là, c'est qu'elle indique aux défunts de sacrer son camp. Bon, alors on redore son blason un peu, c'est-à-dire qu'on met une espèce de linceul blanc par-dessus ce qu'il était. Alors on parle des bons côtés, puis on essaie d'oublier le noir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide dans sa phase purgatorielle, c'est-à-dire qu'on parle uniquement du bon côté, donc c'est celui-là qu'on extirpe de ce qui est mort. Puis c'est lui qu'on dirige vers le monde de la mort, alors que le reste, il va dans la phase purgatorielle, mais c'est un peu comme si on lui disait « démerde-toi ». Bon. Maintenant, il y a donc une partie qui va rester près de la famille, qui va rester près des individus. Les individus ont une tendance ou ont eu l'instruction à conserver près d'eux ces personnalités-là, ce qu'on ne devrait pas faire. On devrait laisser les morts enterrer les morts. Et plus il y a de mémoire, de photos, de vêtements, de plus c'est souffrant pour le vivant, plus c'est souffrant pour le défunt. Maintenant, il arrive quoi? Il arrive que là, ton frère, il a eu un accident d'automobile, alors il est mort, ce qui fait qu'il s'est ramassé dans le monde, dans le plan moronciel, c'est un monde de transition, il s'est ramassé là dans son corps astral, et puis là, il a vu une carcasse d'automobile en roulant autour d'un poteau. Il n'a pas compris ce qui se passait, il rêvait. Un rêve clair, comme il en a rarement fait, il rêvait. Et peut-être qu'il va apprendre qu'il est mort 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours plus tard. À la longue, il verra l'ambulancier, la police arriver, il verra peut-être les sapeurs travailler avec les mâchoires de vie, il verra qu'on extirpe un corps physique, peut-être qu'il reconnaîtra son corps, c'est un cauchemar. Il ne comprend toujours pas, il est mort trop rapidement, puis il s'en attendait pas. Et à un moment donné, on va amener ça à la morgue ou à l'hôpital, et puis finalement, on va le recouvrir d'un drap, on va le descendre dans un frigidaire, alors là, il va vouloir revenir, se réveiller, il va commencer à se rendre compte qu'il ne peut pas se réveiller. Donc, il va commencer à découvrir qu'il est mort. Sauf si quelqu'un de la famille, ou si un prêtre, ou si quelqu'un, un ami, a suffisamment d'énergie mentale pour être capable de s'asseoir et d'entrer en contact simplement avec le défunt et lui dire, écoute, t'es mort. Entrer en contact par la pensée, par la parole. Par la pensée et par l'émotivité. prendre sa photo, il parle à la photo, puis lui dire, écoute, t'es mort. Je sais pas si tu le sais, là, mais présentement, là, je cherche pas à revenir, tu pourras pas revenir. Ton corps physique est inopérationnel. Hors service. Alors, tu es mort. Je sais pas si tu peux dire ça comme ça quand c'est ton frère. C'est pas toujours comique, c'est mieux de lui dire, ton corps physique est écrapoutillé, tu sais, puis... Ouais. T'es peut-être, j'espère que t'es mort sur le coup. J'étais fou. Et le coup, c'est la partie la plus dangereuse. Vous savez, on meurt sur le coup, on tombait, puis sur le coup, on a manqué notre coup. Bon, bon. J'ai ta photo dans ma main droite et ta tête dans ma main gauche. T'es ouais, mort. C'est ça. Tu reposes à la chambre 201 et 203, mais c'est ça. Bon. Mais on doit donc, on pourrait. Là, le défunt va finir par apprendre qu'il est mort quand il va lui-même aller à son exposition. Et si on l'expose? On ne devrait plus exposer présentement. On devrait simplement soit faire brûler le corps physique ou l'enterrer, mais on ne devrait pas procéder à l'exposition, ces choses-là. C'est tourner le couteau dans la plaie des vivants et des défunts. Bon, il y a eu un temps où c'était essentiel parce que l'âme ne quittait pas le corps physique avant de 2 à 3 journées. Donc, si on le brûlait trop rapidement, on détruisait des parties de la mémoire expérientielle du défunt. Et si on l'enterrait trop rapidement, c'était pénible pour l'individu. L'âme, lorsqu'elle sortait du cercueil, elle sortait dans un cimetière, ce que serait long à expliquer. Mais il y a eu une étape, une époque où effectivement, c'est préférable donc d'attendre 2 à 3 journées. On a donc inconsciemment amené l'idée de l'exposition, qui finalement est devenue de l'idolâtrie défunte, c'est-à-dire qu'on allait maintenant s'absorber. Bon, puis finalement, parade de mode, dépendant des familles, il y a des endroits. C'est pas pour tout le monde la même chose. Par contre, la messe, comme tu dis, ça pourrait lui... Ça a une utilité, sauf que... Oui, mais la messe, elle peut se faire, ça dépend de l'évolution de l'individu. S'il est suffisamment instruit de ce qui se passe lorsqu'il est mort, il va comprendre rapidement. Puis lui, il va solutionner ses problèmes drôlement plus rapidement. S'il connaît le principe de la réincarnation, le principe du domotérique, le principe de la négoïsation, tous les dangers du monde de la mort, sa mort sera belle. Il mourra peut-être même pas. Il est mort du corps physique, mais il ne gagnera pas le monde de la mort. Alors, ce qui arrive donc, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, lorsqu'une personne meurt, vu l'évolution énergétique des âmes et des consciences qui habitent les individus, surtout au niveau de l'échelle nord planétaire, les individus quittent leur corps physique à peu près instantanément. Ce qui fait que même dans un incendie, il n'y a pas de problème. Puis si on... En tout cas, c'est pas nécessaire de préserver les traditions ancestrales. On peut le faire, mais c'est pas nécessaire. Donc, ton frère, il est maintenant dans le plan moronciel, il flotte. Le plan moronciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pourrait réanimer son corps physique, eh bien, il pourrait revenir en nous comptant ce qu'il a vu dans l'autre bord de la mort. Mais il n'était pas dans le monde de la mort, mais ça, lui, il ne sait pas. Alors, il nous parlerait de guide de lumière, etc. Maintenant, ce qu'il va faire, lui? Lui, il va se promener autour et il va découvrir qu'il est mort et il va commencer à voir qu'il se désagrège. On va faire un parallèle. Il va subitement se rendre compte qu'il y a son pied qui se défait. Puis le pied s'en va. Il n'en souffre pas. Mais en réalité, ce n'est pas le pied comme ça. Il va, lui, perdre des caractéristiques de sa personnalité. On va dire c'est le pied. Alors, le pied se défait à un moment donné et le pied s'en va, puis te rejoint toi, puis le pied vient maintenant se placer sur toi. Tu n'auras pas un troisième pied. Mais progressivement, tu vas voir l'ongle incarné de ton frère va commencer à apparaître sur le pied. Ça va aller bon. C'est pour ça la réincarnation. C'est un ongle incarné qui arrive. C'est lui-même. C'est pas le pied, mais c'est un ongle incarné. C'est similaire, oui, c'est ça. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que si lui était colérique, progressivement, il va sentir la colère le quitter. Mais peut-être que toi, tu vas commencer à vivre des colères similaires à celles de ton frère. Ton frère est présentement en train de s'incarner chez toi. Une partie qui est en affinité avec ce que tu es. Et progressivement, il va voir une main se défaire. Peut-être que c'est une personne qui aimait peindre. Et à un moment donné, on se rend compte que ton fils subitement découvre l'attirail de peinture de ton frère. Puis subitement, il commence, il n'a jamais aimé peindre, puis là, il se rappelle du frère. Est-ce que justement, dans la transmission des biens physiques, c'est, l'exemple est parfait, si tu donnes le kit, l'ensemble de peinture à un enfant, est-ce que ça va attirer ça aussi à toi? Ça va énormément aider. Les mémoires de peintre ou de. Puis il y a une conférence, c'est comment préparer sa prochaine réincarnation. On verra justement comment qu'on peut disposer de nos biens de façon à s'arranger pour qu'on puisse nous revenir suffisamment autonomes puis suffisamment conscients de ce qu'on a été, attirés par le cadre qu'on va laisser. Fait que s'il y a des morceaux qu'on ne veut pas voir revenir chez nous, on est mieux de ne pas accepter certaines parties de l'héritage. C'est mieux des léguer ou des brûler ou des détruire, c'est ça. Okay. Puis on parlera aussi comment qu'on reçoit un héritage. Parce que quand on reçoit l'héritage, on reçoit tout ce qui va avec. Bon. Alors, ton frère, donc, va peut-être progressivement commencer à se réincarner chez ton fils, puis ton fils va commencer à aimer peindre, il va commencer à trouver que les peintures de ton frère, qu'il trouvait laides, peut-être pas si laides que ça, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça dépend de l'âge de ton fils. Et donc, progressivement, une personne avertie peut se rendre compte que, tiens, j'ai réincarné la colère de mon frère. Lui a réincarné le plaisir de peindre de mon frère. Et une autre personne, par exemple, à un moment donné, va réincarner telle ou telle ou telle chose. Et si on fait attention, lorsqu'une personne proche est morte, on va découvrir qu'effectivement, les individus qui étaient près de lui commencent à avoir des caractéristiques de lui. Et ça fait partie du processus de dissolution d'une âme dans le monde de la mort, ce qui n'a pas été enseigné dans les histoires, dans l'historicité théologique planétaire jusqu'à date. Quelque chose que, bon, j'ai expliqué de temps en temps en conférence régulière, que j'explique surtout au niveau du séminaire, mais que l'être humain, lorsqu'il son corps physique est digéré par la planète, son âme, lorsqu'elle gagne le monde de la mort, elle est dissoute aussi, comme la planète, comme son corps physique. Il restera de la conscience quelque chose d'autre, sur lequel on pourra revenir à un moment donné. Alors, lentement, ton frère, il a plus le goût de peinture. Alors, il est plus attiré par la peinture. Alors, il commence à monter. C'est la phase purgatorielle, c'est-à-dire qu'il se détache donc des choses matérielles. Mais là, ton fils commence à aimer la partie de ton frère qui a expérimenté la peinture est maintenant réincarnée chez lui. La colère peut être réincarnée chez toi. Alors, quand tu commences à découvrir, à un moment donné, que tu piques des colères et que ça ressemble à ce que ton frère faisait, c'est là que vous devez maintenant digérer la réincarnation, c'est-à-dire que vous devez comprendre le principe. Puis quand la colère revient, cessez la colère. Imaginons qu'on ait 5 frères. Il y en a un qui décède. Est-ce que celui qui est le plus colérique va attirer les mémoires colériques? Celui qui est le plus alcoolique va attirer les mémoires alcooliques? Celui qui est le plus artiste? Pas nécessairement, mais ça se peut fort bien. Ça ne dépendra pas du fait que tu es colérique. Ça dépend simplement des affinités qu'il y avait au niveau du corps physique. Alors, lui peut être colérique d'une certaine façon. Par exemple, il est colérique chaque fois que sa femme fait quelque chose qu'il n'aime pas. Alors que ton frère qui est décédé était colérique, lui, quand on touchait à ses objets. Alors donc, l'autre personne qui, elle, n'est pas colérique, mais est pointilleuse sur ses trucs à elle, puis bon, elle cache tout, etc., peut-être qu'elle va réincarner la partie colérique de ton frère qui, elle, lui, était colérique, il cachait pas, mais était colérique, il gueulait tout le temps. Il laissait tout traîner, mais il fallait que personne prenne son chandail, alors qu'il prenait le chandail de ses autres frères, etc. Bon. Donc, ça dépend surtout de certaines affinités. Mais on peut se rendre compte du changement comportemental d'un individu suite au décès de quelqu'un. Donc là, on sait déjà qu'une personne est en phase réincarnationnelle et ou est réincarnée. Vous n'étiez pas asthmatique, un ami très cher, une personne dans la famille asthmatique est décédée, puis à un moment donné, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, vous commencez à avoir des symptômes d'asthme, peut-être que vous avez réincarné son expérience d'asthmatique, l'asthme étant une maladie uniquement psychosomatique, qui finit par altérer le corps physique jusqu'à temps qu'il en fait une maladie totalement somatique. Mais c'est psychologique. Donc là, on peut encore une fois se rendre compte qu'on vient de se faire ramasser par une mémoire réincarnationnelle qu'on ne voulait pas. Et ici, ce qui est important en même temps de comprendre, c'est que tout au long de votre vie, ce qu'on appelle souvent l'évolution, une grande partie de l'évolution n'est pas d'évolution, c'est la réincarnation de l'expérience de nos ancêtres, de ceux qui sont plus âgés, qui vivent aujourd'hui, et on accumule leur expérience, puis on pense qu'on s'assagit ou qu'on évolue, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, l'évolution, c'est une compréhension qui mène vers la liberté, mais ce n'est pas du raffermissement vers le traditionnalisme, ce n'est pas de la cristallisation. Vous savez, on doit développer un équilibre instable. Ça, c'est la vie. Puis l'équilibre instable, il y a uniquement la fusion entre l'enfant et l'adulte qui peut créer l'équilibre instable. C'est ce qu'on sert dans les arts martiaux, c'est ce qu'on va servir en judo, par exemple. On fait un mouvement de projection à quelqu'un. Quand on le projette, on est totalement en déséquilibre, on se sert de son déséquilibre, et tout cela crée que le mouvement est totalement équilibré, alors on part du point A, on s'en va au point B, sans douleur, en contrôlant la chute de l'autre, en revenant sur nos pieds, tout est parfait. Le mouvement était totalement équilibré et il était rendu possible uniquement parce qu'il y avait une instabilité totale tout le long du mouvement. On appelle cela un déplacement, on appelle cela un mouvement. Et la vie, c'est un mouvement. On ne peut donc pas prétendre à l'évolution réelle si on finit par vivre une stabilité. On doit vivre de l'équilibre. On va dire une stabilité émotionnelle. En ce sens qu'on ne peut pas vivre une perturbation émotionnelle. Donc, je suis colérique, 30 secondes après, je suis heureux, 2 secondes après, je suis déprimé. Ça, on doit stabiliser en ce sens qu'on doit éliminer ou digérer les énergies qu'on ne veut pas, l'ennui, la dépression, etc. Et on a maintenant un équilibre instable au niveau émotionnel. Je suis heureux avec n'importe quoi. Et on vient de voler ton automobile. Ah, ben, ça donne bien, justement, je viens juste de la faire assurer. T'es encore capable de rire. Ah, ben, ça donne bien, j'ai justement de cesser de la faire assurer. Hey, c'est bon, je me sens qu'on fait fourrer. T'es capable de continuer à être heureux, ça va rien changer à ton automobile, mais ça va tout changer à tes vies, toi. Donc, on arrive à vivre la vie avec un équilibre instable. Et l'individu qui réincarne sans arrêt tout ce que les autres ont fait avant lui, normalement, réincarne une tradition. Puis la tradition, elle, plus on va vers une forme de vieillissement, plus elle devient stagnante. Elle n'est pas, elle est stable, mais ce n'est pas un équilibre. On est équilibré, mais elle n'est pas suffisamment stable pour être vivante, mouvante. Donc, on sait déjà que son frère s'est réincarné chez lui, parce que subitement, il réincarne comme son frère. Mais lui, qu'est-ce que tu dis tantôt, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant qu'il réincarne, par exemple, ses talents de peintre dans mon fils. Pendant ce temps-là, il est où? Il est encore dans le plan monontiel? Tant qu'il ne s'est pas détaché de la partie peintre, il va être encore dans le plan infernal, un plan purgatoriel. Non, il est rendu dans le monde astral, dans le monde de la mort. Pourquoi? Parce qu'il aura encore le goût de peindre. Il ne pourra pas peindre. Alors, ce qu'il peut faire à un moment donné, ça pourra être réincarner une partie chez ton fils, posséder ton fils, pour que ton fils fasse une peinture que toi, tu vas pouvoir, ou la famille va pouvoir dire, mais ça, tu vois, il a peint, mais on dirait que c'est André qui a peint, ton frère. Ou, plus puissamment, il pourra peut-être même arriver jusqu'à contrôler pour lui faire faire un message. Mais quand on en arrive là, on doit maintenant s'arranger pour faire une messe. Les moines font ça, les prêtres font ça. Nous, on devra faire une méditation, une communication, ce que tu voudras. Expliquer avec le défunt pour lui dire, écoute, fous la paix, mon fils. Okay, tu n'as pas à servir de lui. Va-t'en où tu as à aller. Bon. Puis si on ne sait rien de où il a à aller, tu ne sens pas qu'il y a en masse de personnes en haut de l'entité mémorielle qui lui disent où aller. C'est qu'écoute, lâche-le. Et puis après ça, on peut le ramasser. C'est de l'astral qui est mort, on peut le ramasser par l'émotivité. T'sais, là, tu déranges mon fils, tu fais peur, tu fais mal, tu le charges, tu le possèdes. Bon. À un moment donné, il va le lâcher. Maintenant, ton frère. Mais est-ce que lui, pendant tout ce temps-là, est-ce que celui qui est décédé est heureux ou malheureux? Ou rien, ou... Il est tout ça en même temps. Il est colérique et joyeux, mais quand la colère a commencé à le laisser, maintenant il devient plus uniquement joyeux. Peut-être qu'il peut être dépressif en même temps. Parce que c'est ce qui est plus bas, ce qui est le plus attaché au plan matériel qui s'incarne en premier chez les individus prêts à le recevoir. Donc les défauts s'en vont en premier. Oui. Donc il devient de plus en plus heureux. De plus en plus évolué. C'est la phase purgatorielle. Plus il devient évolué, plus il devient subtil, plus il devient subtil, plus il monte. C'est loin du plan planétaire. L'attraction gravitationnelle de la planète le retient moins. Vu qu'elle le retient moins, c'est là qu'on commence à perdre contact avec lui. Donc, quand on a un contact puissant, c'est toujours avec ses plus beaux. Mais évidemment, ça n'arrivera pas avec une grosse robe noire, des grosses cornes en vous disant, bon, tu te piquer ton fric. Ça arrive très bien en blette, mais comme il faut qu'un gros sourire, comme peut-être lui, mais peut-être comme ton frère n'a jamais eu. Puis là, ça vient te dire que ça va t'aider maintenant. Tu sais, maintenant que je suis dans le monde de la mort, je n'ai plus de corps physique pour rien voir, mais là, je sais tout. Il faut faire bien attention. Maintenant qu'il évolue, donc, ça veut dire qu'il se purgatorise, il se filtre, il se purifie, il va venir à un moment donné où il va encore continuer à se scinder, et là, tu n'entendras plus parler de ton frère. Il va rester quoi? Il va rester dans notre mémoire, il ne sera jamais mort. C'est vrai, tout ce que vous avez réincarné de lui est maintenant chez vous, donc c'est vivant. Il ne sera pas mort. Mais il y a bien des parties qui vont s'en aller, et il va rester chez toi, la mémoire expérientielle du passage de ton frère dans ta vie, mais il ne restera plus rien comme mémoire émotive. C'est-à-dire que maintenant, il est totalement parti. Là, maintenant, on peut considérer qu'il est mort. Et il reste l'histoire de ton frère, comme l'histoire de l'enfant que tu as été, comme si tu avais vu un film ou si tu avais entendu parler de lui. Tu n'as plus la gustation. La seule gustation que tu auras encore de sa présence, c'est ce que tu as réincarné chez lui, si tu ne l'as pas digéré. À partir du moment où on peut en parler sans trop d'émotion, c'est que probablement... C'est que là, il est suffisamment éloigné de ton attraction. Les parties qui sont suffisamment hautes comme ça, est-ce qu'elles vont redescendre aussi dans les membres de la famille? C'est ce qui complique un peu les choses au niveau de la réincarnation. C'est que comme l'être humain ne prépare pas, il y a le Dalai Lama qui lui a trouvé une technique pour préparer sa prochaine réincarnation, ce qui fait en sorte que même dilapidé dans le monde de la mort, quand il se réincarne, il est à peu près toujours lui-même. Puis ça, on va en parler comment préparer sa prochaine réincarnation. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ton frère, rendu dans les hautes sphères spirituelles, il va continuer à se désagréger. C'est-à-dire qu'il y aura une partie, par exemple, morale. Il y aura de la morale chez lui. Et cette partie-là, à un moment donné, va commencer à s'en aller. Elle va rester dans un plan où toute la morale, la mémoire, de l'expérience de la morale humaine est placée. Et il va rester la partie spirituelle. Et la partie spirituelle, à un moment donné, va commencer à se désintégrer aussi. Et il va rester la partie haute spiritualité. Et à un moment donné, la partie haute spiritualité va être digérée par toutes les mémoires de la haute spiritualité. Donc, on pourra considérer que ton frère, finalement, est maintenant réellement mort. Mais il faut faire attention. En même temps, il n'est plus rien de ce qu'il était. Tu dis les autres... C'est ça, mort. Okay, il est mort. Défaite décomposée. Oui. Comment donc peut-il se réincarner s'il est tout défait? Dissous. La première question, c'est pas comment donc peut-il se réincarner, c'est hier que je veux pas. Pourquoi? Les autres entités spirituelles ou les autres mémoires sont peut-être intéressantes à récupérer. Parce que l'humain évolue beaucoup avec son ego. Hein? La majorité de tous les systèmes théologiques d'évolution sont basés sur une chose, convaincre l'ego que tout va bien, alors qu'on est sur la pire des planètes dans le pire des mondes. Convaincre l'ego que tout va bien. On fait des promesses de politiciens. Hein? On vous dit que tout va bien aller si vous avez confiance. Comme tout va mal, on vous dit dans l'autre monde, tout va bien aller. Hein? Ça fait qu'on remet ça plus tard. C'est parce que vous n'avez pas cette confiance, de toute façon. Mais pour ça, c'est ce qui va arriver, justement. On va culpabiliser. Ah, il fallait vous prier et vous serez exaucé. Ça n'a pas marché. Tu n'as pas assez prié. Mais vas-y. Moi, je peux en vendre des cours comme ça. Je vais vous faire traverser les murs. Vous savez que vous ne commencerez pas à y croire. Paf! Tu n'y crois pas assez. Mon cours est bon, moi. C'est parce que tu n'y crois pas assez. Si tu y crois comme il faut, tu vas réussir. Paf! C'est compensé. Ben, c'est. Puis c'est vrai, j'ai raison. Et j'ai tort. Mais prouvez-le. Ah, bon. Ben, c'est ben, facile. Alors, c'est un peu ce qui arrive. Maintenant, quand on dit aux égaux, lorsque le corps physique meurt, l'âme n'est pas retenue par le corps physique, elle gagne le monde de la mort, le ciel, et dans le ciel, elle se dissout et se désintègre. La majorité des égaux ne veulent rien savoir de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus. D'ailleurs, c'est pourquoi l'homme a tellement peur de la mort, c'est qu'inconsciemment, on sait tous que sans le corps physique, on n'aura plus de conscience. On ne pourra pas savoir qu'on est là, on ne pourra pas savoir qu'on existe, on n'existera donc plus. Et c'est pourquoi, inconsciemment, l'humain a une peur à peu près fabuleuse de la mort. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas de la mémoire, bien que, apparemment, nous ne sommes que de la mémoire. Hein, on pose la question, par exemple, on parle de notre ego. Bon, l'homme a, tous les hommes ont un ego, mais la psychologie le dit. Si on a un ego, on est capable de dire « mon ego », si on peut dire « mon ego », c'est qu'on n'est pas l'ego. On parle du subconscient qui nous dramatise, qui nous martyrise, qui etc. Puis là, on va le sonder, on l'explore, on l'hypnotise, on le rebirthise, on fait tout. Ce maudit subconscient-là, c'est quoi? Ça, c'est la mémoire réincarnationnelle de toutes nos lignées familiales. Après ça, on parle de l'inconscient. C'est tout le conscient qu'on n'a pas à la conscience. On parle du surconscient, on s'amuse. Il y a de l'intelligence chez l'humain. Il y a deux choses qu'on doit savoir. On parle aussi de ma conscience. Oui. C'est pas correct. Mais c'est qui est le ma? Ouais. Qui dit « On ne l'a pas. Puis on l'a. On a vu à un moment donné que l'ego était pluriconstitué. L'ego, c'est comme un paquet de blocs de glace collés ensemble. Chaque bloc de glace est une particularité de votre personnalité. Tout ça collé ensemble, ça reste des blocs de glace séparés qui sont fusionnés ensemble. Et ça, c'est l'ego. Alors moi, je suis bien impatiente, mais quand tu fais telle chose, paf, je deviens bon. Des parties d'ego qui viennent s'exprimer. Et on nourrit chaque partie d'ego pour ne pas qu'elle fonde. Alors, on entretient nos mêmes expériences. Pourquoi on a tant de difficultés à changer? J'aimerais bien me devenir un peu plus calme, avoir moins peur quand je me couche. Mais de temps en temps, il faut que je me paye le luxe d'un film d'horreur. Qu'est-ce que vous voulez, j'en ai besoin. Il y a une partie de l'ego qui veut avoir peur, qui va aller se nourrir là-dedans, puis après ça, on aura encore peur la nuit. Puis bon, ça donne beaucoup de difficultés à changer. Mais il y a une chose. Vous connaissez la ville de Montréal. Vous l'avez en mémoire, vous l'avez apprise, vous l'avez expérimentée. Vous connaissez la rue Sainte-Catherine. Mais vous ne connaissez pas que vous êtes vivant. Ça, vous le savez. Pas parce qu'on vous l'a montré, pas parce qu'on vous l'a instruit. Vous le savez. Il y a une différence majeure entre le savoir et la connaissance. En termes de mots, on pourrait dire que connaître voudrait dire naître avec. Naître. Cool. cohabiter, habiter avec, cope, naître, naître avec. La connaissance, c'est naître en même temps que l'observation. Ça voudrait dire que si je suis dans une réelle connaissance, lorsque je connais une fleur, c'est qu'instantanément avec la fleur, je viens au monde à chaque milliardième de millionième de temps. Donc, je ne la connais pas par la mémoire, je la connais par l'instantanéité. Je me fusionne avec la fleur, plus d'observateur, plus d'observer. Une chose, la conscience. Sauf que l'être humain, lui, a galvaudé le phénomène parce qu'il est une créature de mémoire en majorité, à cause de l'ego, à cause de l'âme. Et là, sa connaissance n'est plus naître avec. C'est comparaison. Alors, ah oui, c'est une fleur. Mais elle est aussi merveilleuse que la première fleur que tu as vue. Mais pas la majorité des humains, voyons, non, l'écran, c'est fini là, une fleur, on sait ce que c'est une fleur. Quand je verrai une fleur que je n'ai jamais vue, moi, dire, waouh, tu as vu les couleurs? On a des aussi belles au Canada. Non, c'est... Tu vois des bébites à cornes, là, au Bangladesh, là, puis les gens, ils collectionnent, puis ici, on a des pareils. Ils sont différents. On sent pas la même valeur. Tu sais, les mets chinois, bien meilleurs que les mets canadiens. Bon, puis les Chinois disent la même chose, mais l'inverse, c'est l'autre. Surtout que nos mets chinois qu'on mange, des mets canadiens. Bon, des chinois, ça n'existait pas en Chine. Côté chinois, oui. Spaghetti italien, il n'y a pas en Italie que le monde mange là, puis la pizza non plus, tu sais. Bon, mais n'empêche qu'on ne connaît pas. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le mot connaissance finit par être un mot qui désigne notre capacité de se rappeler. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est la capacité de vibrer instantanément quelque chose. Et ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes de l'intelligence instantanée, nous sommes du savoir. Sauf que nous sommes investis de la mémoire de notre savoir, ce qui va être la mémoire de l'intelligence, donc finalement notre expérience. Et au long du temps, notre expérience finit par prendre plus d'ampleur que notre savoir. Quand on est jeune, on fait confiance à notre intuition. Quand on est plus âgé, on fait confiance à notre expérience. Et là, on peut commencer à se planter. Pourquoi? Parce que dans le neuf, l'expérience ne peut pas expliquer le neuf. Le vieux n'explique pas le neuf. Alors maintenant, on va se fier à des paraboles traditionnelles, quelle que soit l'obédience théologique, puis on va jouer là-dedans. Tu fais juste lire la Bible à l'âge de 15 ans, je comprends plein de choses, hein? T'as rien compris. Il est à l'âge de 25 ans, et tu comprends, là tu comprends, t'as rien compris. Il est à 50 ans, oh, là tu comprends. La Bible, comme tous les livres sacrés, ont un avantage, il n'enseigne rien. Il vous confirme tout ce que vous voulez savoir. Alors, comme tu as changé à 50 ans, tu lis la Bible, là tu découvres. Puis à 25 ans, là tu découvrais, puis à 15 ans, là tu découvrais. Le Bhagavad Gita, le Talmud, d'autres livres, c'est la même chose. La problématique, donc, c'est que l'humain ne... Quand on parle de l'ego, toute la mémoire de notre passage dans cette vie-ci, c'est elle qui est dissoute dans le monde de la mort. Et c'est elle qui se réincarne en mémoire expérientielle. Ton fils, subitement, va commencer à avoir du talent à peindre. Ton fils va commencer à aimer peindre. Mais ça, c'est de la mémoire qui vient dans son ego, dans son âme. Et comme il fait uniquement confiance à ce qu'il a dans son âme, il pense que c'est lui qui aime ça. Comme je le dis souvent, à un moment donné, vous êtes en colère, ou simplement dans une entité astrale descend dans votre conscience, puis vous dit, écoute, lève-toi, puis tire la langue. Ah, vous le ferez pas. Alors, l'entité rusée, il vient, puis il dit, ouais, je pense que je vais me lever pour me tirer la langue. Parce que l'entité a utilisé le mot « je », puis qu'on fait uniquement confiance à ce qu'on passe, ce qui se passe en dedans avec le mot « moi » et le mot « je », mais là, on le fait. Écoute, on n'a pas un point cap, je viens de dire que ça peut le faire. Il y a énormément de choses comme ça qui viennent nous manipuler. À un moment donné, on décide d'être végétarien, ou on décide de cesser de fumer, ou on décide de cesser de faire une chose. Puis là, on dit, là, je ne mange plus ce gâteau sale. La main se lève, là. Pourquoi je suis si faible? Il y a une partie qui est très petite de l'ego qui dit, je ne m'en mange pas. Toute l'autre partie au complet qui a expérimenté ça depuis tout le temps, ben écoute, ben elle contrôle le corps, elle bouffe. Et là, il y a une frustration mentale qui apparaît. Il y a quelque chose chez vous qui voit... Ça, c'est vous. Tout le reste, c'est le scénario qui se joue dans la mémoire. Mais le corps physique est totalement assujetti au système endocrinien, qui lui est totalement dépendant de la mémoire de l'âme. C'est pour ça qu'on paraît si faible. Mais ce « je », là, quand tu dis ça, c'est vous. L'intelligence, elle ne meurt pas. Exact. Elle ne se réincarne pas non plus. Non, elle est persistante. On va revenir, mais je veux juste qu'on comprenne une petite chose. Quand on parle que l'ego gagne le monde de la mort à un moment donné, l'ego, l'âme, progressivement, ça va se dissoudre. Et c'est pourquoi tous les individus qui naissent, quand on parle de réincarnation, ils ne se rappellent jamais de qui ils ont été. C'est sûr. Pourquoi? Parce que quand ça se réincarne, c'est un paquet de personnalités différentes. Donc, quand ton frère va se réincarner, il va être mélangé à tous les individus qui lui ont ressemblé pendant la vie, dans les vies antérieures, et qui sont présentement réunis dans le monde de la mort. Lui, il va se fusionner à eux. Puis, à un moment donné, bien, il va être attiré par un corps physique. Puis, ce qui va se réincarner va être un individu maintenant neuf, totalement baigné des mémoires expérientielles de la mère, parce que pendant 9 mois, le corps physique va être pris par le sang harmonisé de la mère, un peu du père. Et tout au long de sa vie, à l'âge de 12 ans, il va réincarner ton frère lorsqu'il avait 12 ans et un paquet de jeunes garçons similaires à ton frère. Il va réincarner à 13 ans ton frère, il va réincarner, etc. Donc, on pourra considérer que ton frère s'est réincarné, mais son frère sont réincarnés dans le même frère que le tien. Et là, on dira, oh, ben, finalement, c'est pas mon frère qui s'est réincarné. Oui, mais il y a une autre chose aussi, c'est que ton frère peut se réincarner en partie là-dedans, puis en partie là, puis en partie là-bas, puis en partie là. Ton frère peut être dans 15 corps physiques. Il n'y a plus conscience d'avoir été. Maintenant, on prend une personne, un de ses frères-là, et puis on commence à fouiller pour savoir qui il a été dans une vie antérieure. On doit comprendre une chose, c'est que l'âme est constituée de plusieurs façons. Alors, il y a un canal qu'on appelle le canal réincarnationnel. Ça, on peut appeler ça corde d'argent si l'on veut. Dans ce canal, c'est par là que rentrent toutes les mémoires réincarnationnelles qui viennent aussi nous hanter 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Ça vient, ça rentre dans l'âme, et il y a une agglomération centrale qui est l'ego. Il y a aussi un canal ajusteur de pensée qui part, mais qui normalement est relié au canal réincarnationnel. À un moment donné, quand il met suffisamment de conscience, il le déconnecte, puis il le branche sur un monde, puis sur l'intelligence supramentale, sur son esprit. Mais en attendant, ce qui va arriver, c'est que tout au long de notre vie, ça réincarne par là. Si je prends une personne ici, je l'hypnotise, et qu'on décide de fouiller pour remonter jusqu'à sa naissance, on va remonter jusqu'au début du canal réincarnationnel. Et si maintenant on décide d'aller voir avant la naissance, on remonte le long du canal réincarnationnel. Et là, on l'a fait parler. C'est un voyage astral, mais pas par extra-conscientisation du corps astral, du corps physique, mais par retour dans le canal réincarnationnel. Et là, on va remonter à l'intérieur, et puis subitement, on va aller voir dans le monde de la mort les mémoires qui se sont associées ensemble pour créer l'individu. Alors, à un moment donné, on va dire, « Crime, tu as déjà été un secrétaire. » Évidemment, normalement, ça date de quelques années. Mais de plus en plus, on a des individus, quand on va fouiller dans leur vie antérieure, on se rend compte que ce qu'ils ont vécu date de pas tellement longtemps. Et ça peut être de très longtemps. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'on fouille, on fouille, on fouille, on fouille, puis on se rend compte, à un moment donné, qu'il y a été telle personne. Parce qu'on voit la mémoire, on va être capable de décoder tout l'ensemble de la mémoire de l'individu, mais tout ça n'est pas réincarné chez vous. C'est chez l'individu. Une partie seulement. C'est ça. Sauf que maintenant qu'on a touché, par exemple, la colère de ton frère, on va se rendre compte qu'il aimait la peinture, qu'il aimait... Là, on va dire, tu étais telle personne, qui avait vécu à telle place, qui a vu qu'il aimait tel, qui aimait ceci, qui aimait cela, qui avait tel comportement, quel caractère, qui a eu telle femme, tant d'enfants. Mais ce n'est pas ce que la personne que je suis en train d'aider à faire une régression réincarnait. Mais maintenant qu'on est allé voir, là maintenant, elle a l'expérience au complet de ça. Elle va réincarner à 100% ton frère, plus tout le reste au complet. Alors, donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est logique de dire qu'on fait un retour comme ça, puis on découvre qu'une personne ici a été un grand pianiste connu. Puis après ça, je recommence avec un autre individu 3 ans plus tard, je me découvre qu'il était le même personnage. Puis là, on dit, toi, ça se peut pas. Mais justement, ça se peut. Lui est réincarné dans plusieurs personnes. C'est comme si j'ai mon verre d'eau ici qui était un individu. Il y a un canal qui part, il est réincarné là. Il y a un canal qui part, il est réincarné là. Quand lui, il remonte au cheminement avec son régression des matériaux, il arrive ici, il voit tout ça, il dit « Crime, t'étais un tel ». Mais là, l'autre, il remonte le même canal, il arrive à la même place, il dit « Crime, t'étais un tel ». Puis là, on dit « Ça se peut pas ». Ça se peut, tu réincarnes un bout. Est-ce que quand tu fais une régression temporelle comme ça, est-ce que tu te trouves à agrandir le tuyau ou à l'ouvrir davantage, puis tu réincarnes plus l'individu que tu as vu? Non, ou sauf pas plus, que tu focalises simplement le canal, tu focalises l'attraction réincarnative sur un niveau. Donc, tu vas expérimenter plus rapidement, plus puissamment ce que l'autre a été. Si on peut donc considérer que tu réincarnes un peu plus. Est-ce que tu peux aller choisir un segment de ce personnage-là? Oui, on va revenir encore des conférences ultérieures. Ce n'est pas pour vendre les prochaines conférences, c'est uniquement parce que sinon on n'aura pas le temps de couvrir le sujet qui est là. Mais effectivement, on peut choisir, on peut aller fouiller. Mais il y a une forme de chirurgie astrale qu'on peut faire, qui peut se faire aussi au niveau de ce qu'on appelle un net contrôle, qui sont des mécaniques astrales qui déterminent la quantité et la qualité de ce qui se réincarne chez toi. Une conférence que j'ai faite là-dessus, à un moment donné, qui sont les net contrôle, on pourrait tomber tous y référer. Alors, comment savoir maintenant si une personne est réincarnée? Première chose, évidemment, c'est une personne qu'on a connue, c'est de voir immédiatement les incidences. Quand René Lévesque est décédé, immédiatement, la majorité des Québécois ont eu un petit regain nationaliste. Lui, il est réincarné dans l'ensemble des Québécois? Oui, lui, s'est réincarné à peu près complètement dans l'ensemble des Québécois. Bon. Il n'est pas mort longtemps? Il n'est probablement même pas mort du tout. Physiquement, oui, mais on s'en fout du corps physique, là. Mais il a probablement même pas gagné le monde de la mort, il y avait trop d'attractions planétaires. Même ses ennemis ont commencé à l'aimer. Ça nous donnait un regain. C'est sûr qu'un regain d'un être humain puissant comme il était quand même sur 7 millions d'individus, ça se dilue. Un regain. Il y a eu un petit regain. Bon. Les gens avaient tous un peu du René Lévesque dans leur cœur, la majorité des gens. Mais c'était plus vrai qu'ils pensaient. Bon. Donc, on pouvait déjà le voir que, et sa femme, elle a plus facilement accepté sa mort. Ça a passé plus rapidement. Bon. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont se réincarner immédiatement. Ce que les papes vont faire, ce que le Dalai Lama fait, ce que d'autres font aussi. Est-ce que tous les grands personnages ont vécu la même chose? Jean-Baptiste, Jésus-Christ, le roi Arthur? Non. Eux se réincarnent aujourd'hui. Ah, ils ont vécu quelques réincarnations. Jean-Baptiste s'est réincarné dans d'autres personnages. Jésus s'est réincarné dans plusieurs personnages. Jésus, on parle, pour faire attention encore une fois, quand on parle de Jésus, on ne parle pas du Christ, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du corps physique avec un ego, l'enfant, Jésus, relié de l'intelligence fondamentale qu'on appelle aussi de l'énergie christique, fusionnée ensemble dans un contexte planétaire. Quand on parle de Jésus, on parle de la mémoire expérientielle d'un enfant qui s'est réveillé sur la croix en disant « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'est quand l'énergie christique a sacré son cœur. Bon. Jésus s'est réincarné dans le roi Arthur, Jésus s'est réincarné dans Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Jésus est présentement aussi réincarné, il est donc réincarné encore une fois ici. On a plusieurs personnages qui sont réincarnés à travers le temps, qui sont, même Jésus s'est réincarné dans le roi Richard, s'est réincarné, bon, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut effectivement constater, le Baptiste est réincarné, la majorité des chevaliers de la table ronde sont réincarnés. Marie-Madeleine est réincarnée dans peut-être 2 à 300 femmes. Il y a des réincarnations qui sont rotatives. À un moment donné, il y aura une femme ici qui subitement aura la certitude d'avoir été Marie-Madeleine. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, puis subitement, ça s'en va. Elle a géré les parties de Marie-Madeleine qu'elle a été, puis subitement, une autre femme aura l'impression d'avoir été Marie-Madeleine, une autre partie. Marie-Madeleine est relativement divisée. Est-ce que c'est comme ça pour la majorité des grands personnages ou si finalement ça partirait d'un grand personnage qui se serait défait à travers le temps? C'est comme ça pour plusieurs grands personnages, pas pour tous les grands personnages. Puis quand à un moment donné, il y a une personnalité, un humain, ça peut être n'importe qui dans la salle ici ou au Québec ou encore sur la planète, qui, elle, va comprendre la mécanique de l'attraction réincarnative et qui va avoir la capacité de digérer ce qui se réincarne. Là, ce qui va arriver, c'est que, là, mettons que Marie-Madeleine se réincarnerait de façon rotative, et progressivement, il y a une personne qui va ramasser toutes les parties de Marie-Madeleine chez une, ce sera Marie-Madeleine. Si elle digère Marie-Madeleine, cette femme-là, elle aura maintenant la puissance et l'autorité théologique, astrale, elle aura une puissance mentale dans le monde de la mort qui lui est due par l'expérience qu'elle a passée dans le passé avec le Nazaréen. Mais elle sera capable de dire encore une fois, j'ai réincarné Marie-Madeleine, mais je ne suis pas Marie-Madeleine. Je suis, mettons, Michel, je suis ce que tu voudras, et Marie-Madeleine n'existe plus. Bon. Elle est totalement digérée. Là, elle est totalement digérée. Et le danger, ce qui est arrivé souvent, il y a beaucoup de personnes à un moment donné qui se sont pris pour Jésus. Eh oui. Pourquoi ils ont attiré des mémoires réincarnationnelles de Jésus? Mais la mémoire qu'ils ont tirée, ça peut être celle de Jésus. Ça peut être celle que les gens ont parlé de Jésus. Et puis il y en a eu un crime de paquet. Mais ces mémoires-là ont possédé l'individu. Donc les mémoires ont digéré l'individu plutôt que l'individu digère la mémoire. Alors ils se prennent pour Jésus. Alors là, ce qu'ils veulent faire, recommencer ce que Jésus a fait. Ils se font crucifier, ils prêchent de la même façon, etc. Alors d'autres vont réincarner Napoléon, se prennent pour Napoléon. Napoléon les a digérés. D'autres réincarnent telle personne, puis se prennent pour telle personne. C'est l'entité qui les a digérés. Dans le cas de René Lévesque, comme c'est dissous à travers l'ensemble des Québécois, il y a peu de probabilité qu'il y en ait un qui se sente René Lévesque, totalement. Il n'y en a pas. Ça peut pas arriver. Ça peut toujours arriver si une personne réincarne tout ce qu'on a dit de René Lévesque. ou les mémoires de ceux qui ont connu René Lévesque. Mais ce ne sera pas René Lévesque. Donc, on... Quand on décède comme lui, si on est un personnage connu ou du public, c'est mieux d'être discret, de mourir sans faire de bruit. Sinon, tu ne peux pas redevenir, il ne pourra jamais revenir avec le niveau de conscience qu'il avait, puis à être l'individu qu'il était. Oui, mais René Lévesque s'en foutait. Il faut comprendre la particularité de ce qui crée les individus. René Lévesque est une mémoire réincarnationnelle, donc c'est un paquet de phénomènes réincarnationnels qui vient se planter chez un individu. Ce sont des mémoires de la majorité des chefs amérindiens, mémoire de la majorité des chefs anglais et des chefs français, la mémoire de la majorité des chefs écossais qui sont arrivés ici, la mémoire de la majorité des mercenaires qui sont arrivés ici, la mémoire de la majorité des francs-maçons et des rosicruciens qui sont arrivés ici. Et tout ça au complet réincarné chez un individu qui décide à un moment donné de prendre la tête, un individu qui est bon, un individu qui ne recherche pas le pouvoir, mais qui, à un moment donné, va peut-être se faire taper dessus par le pouvoir, parce que quand on est élu, parce qu'on s'en attend pas, c'est un coup de cochon en tabarnouche, là. Bon. Alors là, tu sais plus quoi faire, puis là, ben là, t'as un poste, puis le poste, tu fais le poste traditionnellement, mais c'est pas ça que tu voulais faire. De toute façon, les plus puissants partis politiques, c'est ceux qui sont à l'opposition, puis lui, il voulait rester à l'opposition encore un bout de temps, parce que là, tu peux chialer, t'as aucune responsabilité, tu peux y aller au coton. Tu forces l'autre à bouger, puis c'est parfait. Mais René Lévesque, donc, réincarnait ces personnalités-là, puis lorsqu'il est mort, lui, même si j'aurais jasé avec lui, puis je lui aurais expliqué, il aurait totalement été heureux de savoir que quand il va mourir, il va probablement s'éparpiller immédiatement puis ramasser tous les Québécois. Pourquoi? Parce que c'est pas un personnage qui, transcendantalement parlant, aurait désiré revenir à un moment donné. Il n'était pas égocentrique. Non, lui, ce qu'il aurait préféré, si je lui dis, par exemple, tu as le choix de revenir et continuer la lutte, tu as le choix d'être dilapidé puis de gagner la lutte. Qu'est-ce que tu choisis? Bien, immédiatement, ça aurait été dilapide-moi. Bon. Alors, c'est pas la même chose. Il y a des personnalités qui, à un moment donné, n'arrivent à un point. Si on regarde, par exemple, Mère Teresa, elle mourrait puis serait incarnée dans toutes ses pauvres, ce qu'il faut y arriver de toute façon, pour elle, c'est parfait. C'est probablement la meilleure façon de finir d'accomplir ce qu'elle a décidé de faire comme mission. Alors, il y a beaucoup de personnes comme ça. Le pape, lui, il s'est réincarné dans le pape. Jean-Paul I s'est réincarné dans Jean-Paul II. C'est pour ça que lui a pris le même nom. Bon. Et on continue comme ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que ces gens-là ont atteint une forme d'apogée ou de limite de ce qu'ils avaient à accomplir? Puis justement, c'est la conclusion. Non. Ils n'ont donc pas à revenir dans des vies... Non. Ils reviennent dans des vies intérieures, etc. Sauf que le rôle de ces personnes-là n'était un rôle... Tu me poses des questions, c'est dangereux de répondre. Pourquoi? Parce que ça peut être récupéré émotivement. Mais... Mettons que ça ne le serait pas. Disons qu'il y a des rôles extrêmement importants que ces personnes-là jouent. Et il y a des rôles qui sont fondamentaux, que ces personnes-là ne jouent pas. Ce serait bon en politique. Non, je ne serais pas bon en politique. Je vivrais comment pas répondre sans répondre? Ouais, c'était bien, c'était parfait. J'ai déjà rêvé, j'ai de la politique. En 4 ans, je bouleversais tout, après ça, je me poussais. Après ça, ben là, les gouvernements qui arrivent après, tu sais, ils ont tout chiolé, quand ils arrivent là, ils changent rien, ils gardent tout comme ça. Fait qu'on aurait un pays pas mal plus propre, mais... Je sais pas si t'endurerais pendant 4 ans. Non, c'est pas grave, je me suis dit, je suis là un an de temps, c'est une passion à vie après. Tu connais tout le monde, t'as toutes les portes ouvertes, puis t'as fait ce que t'avais à faire un an de temps, c'est bien correct. Sauf que, non, moi, ça aurait pas d'allure, on me laisserait pas là. Les sociétés secrètes qu'on appelle, vous savez, ceux qui ont les lèvres gercées. C'est ça, une société secrète? Moi, c'est la GRC, genre. Ah, la GRC. Alors, eux autres, j'aimerais pas ça, la CIA non plus, mais pas qu'à d'autres aussi. René Lévesque a eu des problèmes aussi, de toute façon, parce qu'à un moment donné, on avait même payé le Charles de Gaulle pour qu'il dise « Vive le Québec libre », hein, on l'a payé. Et les personnes qui l'ont payé ont eu des gros problèmes après. Et puis, en tout cas, il y a pas quelque chose comme ça qui se passe. Il s'en est passé des choses dans l'ésotérisme québécois extraordinairement puissant et dangereusement dangereux. Oui. En 70, les Américains étaient prêts à envahir le Québec en coqueux, etc. Tout le monde savait que le FLQ, c'était 15 de personnes, mais en même temps, on savait que ça énergisait la puissance indépendantiste du Québec comme il fallait pas. Il y a eu plein de trucs comme ça, là, qui sont extrêmement... Les gens ne savent pas ce que c'est que le Québec. C'est quelque chose qui réincarne présentement... Les Américains réincarnent en majorité ce qu'étaient les Romains. Les Québécois réincarnent en majorité ce qu'ont été les Allemands. Alors nécessairement, et ça, il y a, c'est pas des fous, la centrale de l'intelligence, la CIA, le GRC, on leur truc aussi, le KGB, hein, on sait qu'on a même eu plusieurs livres qui ont été publiés sur l'étude des phénomènes paranormaux par eux autres. Ils comprennent pas, ils savent des choses. Est-ce que, dans ce sens-là, est-ce qu'Adolf Hitler va se réincarner ou est réincarné au Québec? Adolf Hitler a été réincarné par toutes les personnes qui, par les criminels de guerre, quand ils poursuivent à l'échelle de la planète, c'était la façon de purger la mémoire d'Adolf Hitler. Alors, les individus qui ont été, les criminels de guerre, qui ont été retrouvés, qui ont été condamnés à mort, qui ont été condamnés à prison à vie, eux vont se réincarner. Mais Adolf Hitler est déjà réincarné, digéré, plus ou moins purifié, et il va revenir. Adolf Hitler, c'est la réincarnation du roi Tibère. C'est celui qui a envoyé Longinus et ses soldats ramasser le Nazaréen. C'est celui qui, finalement, est la cause de la mortalité du Nazaréen. C'est celui qui, par la suite, découvre que les Juifs ont finalement menti, puis c'est lui qui est devenu l'instrument du massacre du Christ au nom des Juifs. Et c'est lui qui va revenir sous le nom d'un prince Klingsor qui, à un moment donné, va tout faire pour ramasser le Graal. Et c'est lui qui va envoyer à la perte les chevaliers de la table ronde. C'est lui qui revient donc chez dans Adolf Hitler avec une idée encore qui est très, très, très ancrée. C'est tuer les Juifs, les maudits Juifs qui ont tué le Christ. Première chose qu'il va faire, c'est envahir l'Autriche pour aller chercher la lance de Longinus, que Longinus lui avait ramené à l'époque où il était Tibère. Il a réincarné plusieurs phénomènes du temps. On approche d'un temps où il y aura suffisamment d'intelligence supramentale, donc d'intelligence christique, donc de retour christique sur le plan planétaire, où ces personnages-là seront dissous. Donc Adolf Hitler, non. Mahomet, par contre, est en train de se réincarner. Ça, c'est un grand problème, parce que Mahomet lui-même est un personnage pas trop qui a suffisamment de pacification chez lui, mais c'est un personnage qui a rencontré Dieu, et il l'appelait Allah. Il a été un prophète parallèle à Jésus-Christ, donc c'est quelques 300 ans après Jésus-Christ, et il a sa version du catholicisme. Pourquoi? Parce que l'intelligence, lorsqu'il a engendré les théologies catholiques, entre autres, et quelques autres bouddhistes, etc., s'est arrangé pour pouvoir promouvoir une guerre à un moment donné. Et pour finaliser certaines choses, il y a toujours eu un conflit entre les musulmans et les chrétiens. Il y a eu les croisades, il y a eu plusieurs autres choses. Et on s'en va vers un djihad, vers une guerre sainte. Et parce que Mahomet, et surtout les califes qui ont succédé à Mahomet, les réincarnations de Mahomet dans les califes qui ont succédé, parce que le calife, c'est celui qui remplace Mahomet, qui est un prince de Dieu. Et les califes ont été les plus connus où? À Bagdad, ça va de soi. Vous pourrez lire une bibliographie des califes, ça s'appelle Isnogoud, je crois. Et toi, c'est lui actuellement, est-ce que c'est sa réincarnation qui envoie les gens à la guerre dans le Golfe Persique? Exactement, là-bas, comme je te pousse, et puis ça peut effectivement, donc à Bagdad, etc., ça peut enchâsser les prémices de la Troisième Guerre mondiale. Elle peut se faire pacifiquement, mais on est ancré à l'intérieur, parce qu'il y a donc une réincarnation massive des phénomènes du passé. Les Atlantes sont déjà réincarnés, il y a plusieurs choses qui se réincarnent présentement. Donc, pour savoir si un individu est réincarné, encore une fois, c'est que ce n'est pas en nommant son nom. Écoute, Pierre, es-tu là-dedans? Et François, il répond, ouais. C'est pas comme ça qu'on... Les caractéristiques de la personnalité des individus, en passant, une femme, ta sœur, pourrait réincarner des parties de ton frère. Ah oui, c'est nous? Oui. Pourquoi? Simplement non, parce que la colère qu'il a peut être une colère qui est androgyne. C'est une colère sexiste contre les femmes, ça ne la réincarnera pas. Une colère, par exemple, pour son espace vital, elle peut la réincarner. D'accord? Donc, l'homme, la femme peut réincarner, on peut réincarner son enfant, peut réincarner son parent, etc. Alors, il y a eu suffisamment de détails pour savoir si une personne est réincarnée. Mais en même temps, évidemment, c'est pas uniquement de s'asseoir un soir et essayer de chercher qui s'est réincarné. Faut que ça serve évolutivement à la compréhension de la mécanique de la mort, parce que probablement plusieurs auront passé par là à un moment donné. C'est pas nécessaire. Il y a des façons aussi de faire autrement. Vous avez des questions sur le sujet, des choses qui n'ont pas été suffisamment claires ou qui n'ont pas été répondues, vous les posez. Ou vous avez des questions sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va se faire un devoir d'y répondre. après la pause café. À tantôt.